Comme vous l'avez remarqué, le son d'une scène ne suffit pas toujours pour la comprendre. C'est pourquoi France Télévisions propose l'audiodescription sur plus de 500 programmes par an pour les déficients visuels. Et pour les déficients auditifs, tous les programmes sont sous-titrés. Pour savoir comment utiliser ces services, composez le 0890 710 202 15 centimes la minute ou connectez-vous sur francetv.fr/accessibilité. France Télévisions, bien différent, bien ensemble.